Le top des tops, c'est la radio Ndiragakura, disponible maintenant en ligne. Et oui, c'est sur le www.radiondiragakura.com. Radio scolaire Ndiragakura, poursuivons notre thème d'animation par rapport à cet extrait de notre entretien avec Madame Spesni Angaza, représentante légale de FVS Ahmad Burundi, qui s'exprime cette fois-ci sur la clôture de l'année scolaire de l'école de référence Amis des Enfants de Matana, c'est vendredi 24 juin 2017. Madame Spesni Angaza se dit très satisfaite des résultats obtenus par ses élèves. Écoutons encore une fois Spesni Angaza. Je suis très satisfaite d'atteindre cette étape de clôture de l'année scolaire 2016-2017. Nous sommes le 24 juin et je pense que nous sommes parmi les premières écoles qui ont déjà clôturé l'année. Et je suis aussi satisfaite du taux de réussite des élèves. Je suis aussi satisfaite du fait que les programmes scolaires ont été clôturés suffisamment tôt, de manière à permettre aux élèves qui devaient passer le test national de 9e année de se préparer suffisamment. Ils ont fait suffisamment de révisions, à tel point que quand le jour du test national est arrivé, les élèves n'avaient pas de panique, parce que toutes les matières sur lesquelles le concours concerné leur était déjà familière. Ils n'ont pas eu de surprise. Nous attendons impatiemment les résultats, bien sûr. Vous êtes innovateur, vous cherchez le progrès. Radio scolaire Ndiragakura, une radio à votre hauteur. Et poursuit son intervention en signalant les innovations entreprises dans son école avec la fabrication des confitures d'ananas par les élèves eux-mêmes, sans oublier la maîtrise de la langue anglaise, un outil incontournable pour la sous-région. Écoutons encore une fois Spesni Angaza. L'innovation de cette année, c'est ce qu'on appelle l'école d'entreprise. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que le cours d'entrepreneuriat soit très utile par les élèves à travers des travaux pratiques. Pour cette année, nous avons introduit une nouvelle activité qui est la fabrication de confitures qui est faite par les élèves et aussi la création des calendriers. Alors, ce sont des activités qui vont nous permettre d'initier les élèves à entreprendre assez tôt, assez jeunes. Et d'ailleurs, toute la journée aujourd'hui, ils ont passé le temps à vendre leurs les pots de confiture qui restaient. Et j'ai été d'ailleurs parmi les clientes et les autres parents aussi ont été clients. Alors, nous avons voulu que le cours d'entrepreneuriat soit démystifié et qu'il initie les élèves à devenir de futurs entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous allons envoyer nos élèves de la 8e année dans une école en Ouganda qui a déjà développé ce qu'ils appellent School Enterprise Challenge et pour qu'ils voient concrètement comment les autres élèves arrivent très tôt à fabriquer de petits objets compatibles avec leurs capacités physiques et intellectuelles, mais qui les initient à devenir plus tard des producteurs et des hommes d'affaires corrects, comme tout le monde. Comme on dit, le business, ça s'apprend tôt. Ce n'est pas à l'âge de la retraite qu'il faut commencer. Il faut commencer quand on est encore jeune, quand on a encore la capacité d'innover, quand on a la capacité d'aller loin, quoi. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ça comme innovation de cette année. Le futur pour les écoliers commence maintenant. Radio scolaire Ndiragakura. Mais il me semble aussi que vous avez une innovation qui apparemment n'est pas connue, l'apprentissage d'anglais. Chaque fois, vous donnez beaucoup de conseils sur l'apprentissage d'anglais. Oui, absolument, parce que l'anglais peut donner beaucoup d'opportunités à nos élèves. Nous avons comme objectif de faire en sorte que notre école soit bilingue, c'est-à-dire que les élèves qui finissent à cette école sachent parfaitement lire et s'exprimer en anglais et en français. C'est la raison pour laquelle certains cours sont donnés en anglais, comme le cours d'informatique. Pour l'année prochaine, nous comptons recruter des professeurs de musique et des professeurs de dessin artistique complètement anglophones. Et nous comptons faire en sorte que les élèves qui vont entrer en cycle supérieur parlent anglais à l'école, parce qu'au cycle inférieur, ils parlaient déjà français à l'école. Avec l'anglais, nous pouvons avoir d'autres opportunités. Par exemple, cette année, nous sommes entrés en contact avec une fondation qui s'appelle Higher Life Foundation, qui offre des bourses d'études à des élèves de deux catégories. Il y a les élèves orphelins et vulnérables. Il y a aussi les élèves talentueux. Mais même les orphelins et enfants vulnérables doivent être talentueux. Alors, ils offrent des bourses d'études pour que les élèves aillent poursuivre le cycle supérieur au Swaziland. Et à la fin des études au Swaziland, ils vont avoir un bac international et les meilleurs pourront être envoyés dans des universités américaines. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur l'anglais. Et d'ailleurs, chaque année, les élèves de la 8e année doivent faire un voyage d'immersion en langue anglaise en Ouganda. Ils vont partir le 14 juillet cette année. Et nous comptons encore les envoyer de nouveau quand ils vont terminer la seconde. Et là, ça sera d'ailleurs un voyage avec deux objectifs. Ça sera l'occasion pour ceux qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger, de visiter des universités qui peuvent les accueillir et de se renseigner sur les conditions d'admission. Radio scolaire Ndera Gakura. Notre grandeur, c'est votre satisfaction.